Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un musicien d'aujourd'hui. C'est ainsi que se présente lui-même Bertrand Burgala, figure emblématique de ce qui sonne le plus authentiquement pop dans notre pays. S'il n'est pas le plus médiatique des musiciens, pas le plus tonitruant, il n'en est pas moins depuis longtemps l'un des plus appréciés et respectés de ceux qui font la musique de notre temps, ici et ailleurs, et de ceux qui s'y intéressent d'un peu près. Une douzaine d'albums, des musiques de films, compositeurs et arrangeurs, talentueux, auteurs parfois, mais également chanteurs, même s'il avoue ne pas toujours se sentir à l'aise dans ce rôle d'interprète, Bertrand Burgala a plus d'une corde à sa guitare et à son piano. Assez d'enthousiasme et de curiosité aussi pour être un producteur indépendant, comme pas deux, à la tête de son label Tricatel depuis 1995. Dans le troisième des cinq entretiens d'Avoix Nues qu'il accordait à Mathieu Conquet en 2018, c'était plus particulièrement de son activité de producteur dont parlait Bertrand Burgala. Il évoquait notamment sa collaboration avec les écrivains Michel Houellebecq, Jonathan Coe, Virginie Despentes et Yves Adrien, son amitié avec Jacques-Alain Léger, alias Dachéal et Dayat, suicidé en 2013. Avoix Nues. Cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Bertrand Burgala. Ce soir, Tricatel, ma boîte à musique. Bertrand Burgala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musicien, compositeur, producteur, patron d'un label indépendant. Vous avez travaillé sur près de 200 disques pour des artistes de variété comme Marc Lavoine ou des musiciens beaucoup plus confidentiels. Vous avez été vice-président du SNEP, le principal syndicat des producteurs. J'aimerais ce soir parler de l'aventure Tricatel, le label que vous avez fondé en 1995. Un mot d'abord sur le choix du nom de Tricatel qui porte un soupçon d'ironie. Je ne regrette pas du tout ce choix, mais j'espère je dois bien. Dire qu'il a sûrement généré beaucoup de malentendus. Mais quand j'ai monté le label, c'était pas réellement comme un label au départ, mais comme une boîte de production. Je travaillais pas mal en Angleterre à l'époque, en particulier pour un label Mute, et il fallait que je puisse facturer des choses. Et donc j'ai monté une société d'abord là-bas. Et j'avais cherché des noms, et c'était une époque où plus les labels étaient gros, plus ils essayaient d'avoir une image un peu sympathique. Il y avait un label qui s'appelait Squat chez Sony, par exemple. ils étaient avenus de Wagram, Squat. Je trouve ça drôle. Et donc je cherchais un nom qui soit un peu prétentieux, qui sonne bien. Et à l'époque, ce film merveilleux de Claude Zidi, les loups à cuisse passaient pas si souvent que ça à la télévision, donc le nom Tricatel, il y avait beaucoup de sociétés en L. Il y avait CGTEL, Alcatel, donc ça passait. C'est à cause de Roland Moreno qui était le... Oui, mais bien sûr, l'inventeur de la carte à puce. Roland Moreno, que j'avais adoré, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui avait inventé cette machine à créer des néologismes, le radoteur. Et grâce au radoteur, effectivement, il est à l'origine de plein de noms de sociétés. Comme Alcatel, ouais. Ou CGTEL. Et après, ça s'est transformé en IS, en Altadis, Vivendi. Mais à l'époque, il y avait encore beaucoup de noms en L. Donc, on pouvait aller voir son banquier, dire Tricatel. Il éclatait pas nécessairement de rire immédiatement. Pourtant, c'était parce que c'est dans L'aile ou la cuisse, dans le film de Claude Zidi, Tricatel, c'est la caricature de Jacques Borel, qui était l'inventeur des restos-routes. Exactement, et d'ailleurs sur France Culture, il y a eu Alain Kruger l'avait reçu il y a longtemps, et c'était assez passionnant parce que ce Jacques Borel est un personnage tout à fait singulier et visionnaire. Mais c'était pas du tout une défense de la nourriture industrielle, mais mais voilà, c'était un goût du paradoxe. C'était la petite boîte. C'était beaucoup plus le nom d'empire comme ça, Tricatel. Ça faisait sérieux et ça n'était pas tout à fait. Mais j'avais pensé à d'autres noms et qui étaient beaucoup plus sérieux. Bon, voilà. Et maintenant, je suis coincé avec ce nom, mais on vit avec. Alors Tricatel, Bertrand Burgala, c'est le label qui va faire connaître des disques que personne n'attendait, des actrices ou des écrivains qui chantent, des groupes de rock comme AS Dragon ou Les Shades, un jeune chanteur canadien très suggestif, je pense à Jeff Barbara. Il y a même des jeunes filles, hein, je crois qu'il y a la jeune Allegra qui avait 11 ans quand vous, oui, quand vous découvrez ses chansons. Et puis plus récemment, Chassol, dont on parle beaucoup ces derniers temps, pas seulement parce qu'il harmonise les voix ou le réel, c'est même un musicien qui est demandé aujourd'hui aux États-Unis. Mon costume est étroit, mais on y tient à deux. C'est ce que vous chantiez dans le, oui, titre « Ma boîte à musique », Bertrand Burgala. Cumuler les casquettes ou les costumes, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Pour moi, mon rôle est d'amener le plus loin possible l'artiste dans ce qu'il veut faire. J'essaie pas du tout de construire, de fabriquer ce qui peut être marrant, hein, de faire des identités, de faire des personnages comme ça, de lancer des artistes comme le faisaient les producteurs de musique Bubblegum, par exemple. Je trouve ça génial, mais moi, je l'ai jamais fait. Parce que je trouve que mon rôle, que ça soit en studio ou en tant que directeur de label, c'est d'empêcher parfois l'artiste à se poser lui-même des pièges, mais qu'il puisse aller le plus loin possible dans ce qu'il a envie d'exprimer. Revenons par exemple sur l'album numéro 1 de Tricatel, Bertrand Burgala. L'album 1, c'était Valérie Lemercier chante en 1996. Parole de Valérie Lemercier, musique de Bertrand Burgala. Vous signez les arrangements, la production. Au départ, comment est-ce que vous avez l'idée de faire chanter cette actrice ? Je n'avais pas du tout eu l'idée. Depuis quelque temps, j'essayais de sortir d'autres musiciens que j'aimais beaucoup. Étienne Chary, Grégory Tcherkinsky, il y avait Julien Bert, il y avait Momus, Louis-Philippe. Il y avait tout un tas d'artistes que j'aimais beaucoup, avec lesquels j'avais eu l'occasion de travailler. Et donc, je commençais un peu à tâtonner. Mais j'arrivais pas à trouver de distribution, je savais pas trop comment m'y prendre. Et puis j'ai un ami, Robin Leproux, qui travaillait chez M6. C'est par lui que j'avais travaillé sur Les Nuits Fauves avec Cyril Collard, et quand il était chez Polygram. Et il me dit, là, on a une, on voudrait faire un album avec Vanessa Demouy, qui était à l'époque très connue parce qu'il y avait une série d'M6 qui s'appelait Classe Mannequin. Et moi qui aimais donc cette musique bubblegum, justement, je me dis, bah oui, on essaye, essayons de faire un disque de pop qui était un peu à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. C'était pas très R&B qui commençait à cartonner ou des choses comme ça, mais de lui faire des paroles pour adolescents. Je vivais avec Valérie Lemercier à l'époque. On avait déjà fait des chansons ensemble pour Kaimi Kari, une chanteuse japonaise. Et Valérie a commencé à écrire des textes, mais en pensant vraiment... On avait rencontré Vanessa Demouy. C'était vraiment, au départ, fait sur mesure pour elle. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ce qu'on était en train de faire ne correspondait pas aux attentes ni de Vanessa Demouy, ni des producteurs. Et donc, on est restés bons amis et on a gardé les morceaux qu'on avait déjà enregistrés. Donc, c'était d'ailleurs compliqué pour Valérie parce qu'elle avait fait des voix témoins au départ, mais qui n'étaient pas dans sa tonalité. C'était pour montrer où on voulait les paroles. Mais il n'y avait aucune stratégie, il n'y avait aucun... elle venait de connaître un immense succès populaire avec Les Visiteurs, mais il n'y avait aucune intention de capitaliser sur ce succès-là parce que ce n'était pas du tout prémédité. Mais comme elle avait écrit les paroles, ça nous paraissait naturel qu'elle les interprète. Des paroles comme « mange mes frites ». Goûte mes frites. Et qui était vraiment la conversation. C'était « goûte mes frites », c'était la conversation de copines dans un fast-food. Mais il y avait des textes formidables comme le cheval en savon, des choses beaucoup plus personnelles de Valérie ou Taisons-nous, qui était ou dormir dans ton lit. Elle avait fait des très beaux textes. Et là, on a trouvé une licence grâce à la notoriété de Valérie, bien sûr. Nous, on essayait justement de pas faire un disque de célébrité. Et malheureusement, tout nous ramenait là-dessus. C'est-à-dire que quand le disque est sorti, il y a eu assez peu de critiques. Elle a fait quelques émissions de télévision. Elle est passée chez Jacques Martin, par exemple. C'était très marrant. Mais les gens... Enfin voilà, c'était appréhendé comme un disque de célébrité qui chante. Même si on avait... C'est grâce à ce disque que j'ai rencontré quelqu'un comme Jean-Max Rivière, qui est un parolier formidable et qui avait tout à fait compris ce qu'on essayait de faire. Et lui, qui avait fait plein de chansons géniales pour Bardot, nous a tout de suite beaucoup encouragé. Mais voilà, c'était pas un disque de célébrité chantante. Et d'une certaine façon, c'est d'ailleurs un peu la même chose qui nous est arrivée après quand on a fait 5 ans plus tard un album avec Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, justement, ce sera l'album Présence humaine en 2000. Comment est-ce que vous vous rencontrez? Je crois qu'au départ, c'était Jean-Yves Jouannet, qui est plutôt connu du côté de l'art contemporain, qui avait avec vous un projet de rap mou. Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est grâce à Jean-Yves Jouannet et à Nicolas Bourriaud, qui étaient amis avec Houellebecq et qui m'avaient suggéré, ils préparaient une soirée à l'Erotica de leur revue Les Perpendiculaires. Ils avaient proposé qu'on fasse quelque chose. Il se trouve que je venais de lire Extension du domaine de la lutte, dont Libé avait publié un extrait, ça m'avait donné envie de le lire, et j'ai rencontré Houellebecq, et je connaissais pas ses poèmes, qui m'ont époustouflé. Enfin, j'ai eu l'impression justement que tout ce que je n'arrivais pas à formuler, j'arrivais pas à écrire de textes, de chansons, lui, il y arrivait d'une façon assez magistrale dans ses poèmes. Mais on a tâtonné assez longtemps. On s'est rencontrés au même moment à l'époque où l'album de Valérie Lemercier sortait. Donc on s'est rencontrés vers 95-96. Et il nous a fallu du temps pour trouver la forme de ce qu'on allait faire. Et c'était une période, d'essai, et c'était très plaisant. Mais quand finalement, 3 ans plus tard, quand les choses se sont vraiment concrétisées, qu'on a fait des premiers concerts, Michel commençait à connaître un véritable succès, beaucoup plus large, grâce aux particules élémentaires. Et en même temps, à ce moment-là, on s'est retrouvé dans la même problématique qu'avec Valérie, c'est-à-dire que ça pouvait passer pour un disque de célébrité chantante. Et c'est pour ça que j'avais trouvé l'expression rap mou pour essayer de classer l'album, parce que il me semblait important que Michel ne chante pas. C'était pas du tout, j'aimais pas sa voix, mais ça me semblait important de rendre justice à ces textes de la façon la plus sobre possible. C'est un écrivain, Michel Houellebecq, c'est pas un chanteur. Pour moi, c'était rendre justice à ces textes et en même temps pas juste superposer ces textes sur de la musique. C'est pour ça qu'il nous a fallu du temps pour accorder le texte et la musique. Et ça a été une période très très heureuse et très intéressante. Vous allez monter autour de Michel Houellebecq un groupe qui deviendra le groupe maison du label Tricatel. C'est le groupe AS Dragon, enfin en tout cas l'essentiel de ces musiciens. Et vous allez faire des tournées, donner des concerts avec Michel Houellebecq, ce qui est une prise de risque un peu pour tout le monde, mais à commencer par lui, puisqu'il ne s'était jamais prêté à ce type d'exercice. Comment vont se passer les tournées? Parce que on n'imagine pas Michel Houellebecq en rockstar. J'ai trouvé très courageux parce que il s'était prêté le flanc justement au ricanement. Je me souviens un matin sur Inter, Pierre Bouteiller faisant écouter un extrait grâce à Philippe Manœuvre et Jean Vautrin ricanant, disant « Je me demande s'il a bien fait de faire ça ». Oui, c'était facile, mais c'était courageux. Il allait dans des festivals de rock où les gens ne le connaissaient pas nécessairement. Et il arrivait avec ce groupe qui jouait quand même très fortement, enfin avec beaucoup d'énergie et de délicatesse en même temps. Et on voit, il y a quelques témoignages, une émission de la télé allemande qui filme ça. Il filme un concert à Cologne. Et c'est magnifique, la façon dont il exprime ses poèmes. Cet écrivain qui paraît timide, surtout à l'époque. Je trouve ça assez beau. Et il y avait une très belle complicité avec le groupe. Après, les choses ont été... disons qu'avec le temps, avec le temps, il y avait quelque chose aussi de très électrique. C'est que la célébrité a fait peut-être jaillir chez lui des choses qui étaient un peu sous-jacentes. Et tout d'un coup, moi qui travaillais en studio, disons, avec, en particulier dans le rock français, il y a beaucoup de gens qui ont pris tous les clichés sur le rock, parfois au pied de la lettre, concernant l'usage des drogues. Je trouvais que c'était, il y avait quelque chose d'un peu dangereux avec lui. De jouer avec lui, parce qu'on savait pas du tout comment les choses allaient se terminer à chaque fois. Il y a une violence chez Michel Houellebecq qui est assez forte. Oui, ça a été à la fois très très gai et au bout d'un moment beaucoup plus compliqué, mais c'est pas très grave. Moi, je suis très heureux de ce projet, même, et effectivement il a pas toujours été facile à mener, mais je trouve que ça en valait la peine. La littérature, Bertrand Burgala, elle est en fait Elle est finalement très présente chez Tricatel, mais de manière différente. Le groupe AS Dragon, qui a donc accompagné Michel Houellebecq, adaptera plus tard un poème du Spleen de Paris, un hémisphère dans une chevelure de Baudelaire. Et puis, surtout, il y aura des collaborations avec des auteurs vivants, Michel Houellebecq, Jonathan Coe. Et puis, votre premier album, sous votre nom, Bertrand Burgala, The Sound of Music. Alors j'appuie, puisqu'il y a trois S et trois M. Le titre est dû à l'écrivain Yves Adrien, l'auteur de Nouveaux Visions. Oui, Yves Adrien, c'est quelqu'un qui a une grande, qui a exercé une grande influence sur moi. Moins pour ses écrits de la période des années 70, de l'époque de Nouveaux Visions, que je lisais dans Rock et Folk, qui était très visionnaire, mais qui me dépassait un peu à l'époque. Mais quelques années plus tard, il a publié une série, et je devais être plus mûr pour ça, dans Rock et Folk, qui était presque une forme de testament pour lui, qui s'appelait 2001, et qui m'a ébloui. Et un peu plus tard, une amie très proche, Marie-Dominique Lelièvre, préparait une biographie de Gainsbourg. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, tu devrais quand même... Elle avait vu qu'il y avait Nouveaux Visions dans la bibliothèque de Gainsbourg. Et je lui ai dit, tu devrais le rencontrer, je suis sûr qu'il aura des choses intéressantes à dire. Mais on savait pas où il vivait. Et puis un jour, c'est Patrick Hudlin qui m'a dit, parce qu'il parlait toujours dans ses livres de V. Alors je sais pas, V, on sentait que c'était près de Paris. Je regardais Verrières et tout ça. Et Hudlin me dit, non, il vit chez sa mère à Verneuil. Et j'ai regardé, j'ai pris l'annuaire, j'ai regardé à Verneuil-sur-Seine. Il y avait effectivement quelqu'un, je sais plus quel était le prénom, mais... qui répondait à ça, et j'ai appelé et j'ai eu une voix sépulcrale qui m'a répondu et qui m'a donné rendez-vous pour 4 mois plus tard. Et Yves a eu beaucoup d'influence. Et d'ailleurs, il y a eu une rencontre très très belle entre Yves Adrien et Houellebecq. Et après, on a travaillé aussi avec Virginie Despentes, avec Elisabeth Barrier, avec Laurent Chalumeau, avec Bobo. J'étais très ami avec Jacques-Alain Léger. On a eu beaucoup de, peut-être plus de passerelles parfois avec le monde littéraire qu'avec le monde musical. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'un écrivain peut écrire de bonnes chansons, Bertrand Burgala? Je pense qu'on peut être un très bon écrivain, un très mauvais parolier, parce que ce qui importe, à mon avis, dans l'écriture de chansons, c'est de s'affranchir du cahier des charges. Il faut le connaître suffisamment pour pas trop y penser. Or, chaque fois qu'on soit écrivain ou pas, chaque fois qu'on veut écrire des chansons, on pense en termes de rime et de pied, et dans une métrique très précise, et je pense qu'il faut penser d'abord en termes de musicalité. D'abord, il faut penser à ce qu'on veut exprimer, mais la musicalité est très importante. Donc, il y a des romanciers qui ont une vraie musicalité, en prose, quand ils écrivent, et ce rythme, on peut le retrouver en musique, mais il s'agit pas uniquement de compter des pieds. Et je trouve que moi, en tant que compositeur, partir d'un texte dans lequel il y a des irrégularités, dans lequel, si une ligne fait 14 pieds au lieu de 11, pour moi, c'est très bien parce que ça m'oblige aussi à sortir de mes automatismes mélodiques et de chercher des solutions. Et c'est très agréable quand on dit machin peut chanter le bottin. Bien sûr, on peut chanter le bottin. Vous l'avez mentionné il y a un instant, un écrivain, mais qui est aussi un musicien que vous allez croiser, c'est Jacques-Alain Léger, dont la carrière avait commencé sous le nom de d'Achel et d'Ayat. Ça, c'est quand il était musicien. Puis, c'est quelqu'un qui va multiplier les masques, puisque son nom d'état civil, c'est Daniel Théron. Il deviendra Jacques-Alain Léger en tant qu'écrivain, mais il écrira aussi, et ça fera scandale, sous le pseudonyme de Paul Smail. Comment est-ce que vous l'avez connu? Parce que c'est quelqu'un qui avait travaillé, en tout cas pour la musique, avec Gong, qui avait croisé Robert Wyatt. Donc, vous aviez des références musicales communes. C'est vrai, et j'avais écouté Obsolète en 79 par un ami. J'étais de passage à Paris. Enfin, c'était son disque Obsolète. C'était une espèce de relique que tout le monde se passait parce qu'il était assez rapidement devenu introuvable. Et c'était comme Continental Circus de Jérôme Lapeyroussas, qui était d'ailleurs un de ses amis. Ça faisait un peu partie des éléments, des signes de reconnaissance d'une certaine jeunesse un peu curieuse à l'époque. Et Obsolète, Chrysler Rose, Song for Zelda sont des morceaux formidables. Et j'étais fan de Gong. Et j'ai rencontré bien plus tard, grâce encore une fois à Marie-Dominique Lelièvre, qui avait fait un très beau portrait de lui en dernière page de Libération. Et Marie-Dominique Lelièvre, c'est quelqu'un qui a absolument aucun a priori. Elle rencontre les personnes et ce qu'elle écrit est toujours admirable, mais toujours très subjectif. Et elle avait, c'était un moment où Jacques-Alain Léger quand même se débattait dans beaucoup de problèmes à la fois personnels et professionnels. Elle avait fait un très beau portrait de lui. Et on s'était rencontrés un soir, et on a bien sûr sympathisé, et on est resté liés jusqu'à ce qu'il y a quelques années, il se jette de son balcon, malheureusement. Comment vous avez compris ce geste ? Eh bien, j'ai compris, j'ai vu 3 jours avant. Et c'était un moment, il m'avait laissé un message peu de temps avant, me disant qu'il allait se suicider. Et plusieurs fois, j'étais allé un peu ça faisait longtemps qu'il avait fait des tentatives comme ça, donc j'avais un peu l'habitude. Mais je vais le voir juste à ce moment-là, et là, je le sens quand même très très différent, parce que justement, je sens d'une grande lucidité. C'était un écorché vif qui se créait lui-même parfois des problèmes, qui s'était mis dans une guerre totale avec ce qu'il appelait la pègre des lettres. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent, mais qui s'était mis à dos à peu près tout le monde de l'édition. Et pour ses amis, c'était parfois difficile, parce que c'était quelqu'un de très exigeant, qui demandait beaucoup de disponibilité. Et je vais le voir, il me montre son appartement, boulevard Arago, qui était complètement dévasté, il n'y avait plus que des gravats. Et on descend, on boit un verre, il me dit, voilà, j'ai tout raté, tout est de ma faute. Et il me dit à ce moment-là qu'il avait un tuteur, un avocat littéraire. Je le savais. Et du coup, j'ai prévenu tout de suite son tuteur. Et je lui dis, je suis très inquiet quand même. Il me dit oui, merci, etc. Mais j'ai pas osé aller plus loin parce que j'avais peur de m'immiscer dans cette relation avec son tuteur. Et 3 jours après, j'ai appris que c'était. En fait, il avait dit comme ça au revoir à quelques-uns de ses amis. On a été 4 ou 5 qu'il a vus. Je peux que recommander ce qu'il dit. Je crois que ses écrits, par exemple, sur la musique, sur l'opéra, ont été édités. Je crois que ça s'appelle Place de l'Opéra. Et c'est d'une virtuosité. C'est extraordinaire. Mais c'était quelqu'un de difficile, qui sait mener une vie difficile. Et par exemple, alors que Jacques-Alain avait fait des textes formidables, il m'a fait des textes à une époque, mais c'était à une période où il n'allait pas bien, et j'ai pas osé les mettre en musique parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas dignes de lui. Enfin, ils étaient pas, et il était capable de beaucoup mieux. Vous évoquiez Bertrand Burgala, Jacques-Alain Léger. C'est un écrivain qui aura parfois énormément de succès. Je pense à Monseigneur, qui était une sorte de polar parodique, qui sera traduit dans plus de 20 langues. Vivre me tue aussi, c'est un livre qui connaîtra le scandale. Puis il y a d'autres livres qui seront beaucoup plus confidentiels. Et je fais ce rapprochement pour revenir à votre travail d'écriture et à votre travail avec Tricatel. Vous allez connaître parfois les mêmes niveaux de surprise. Vous avez travaillé avec des personnalités comme Marc Lavoine ou Christophe Willem pour le morceau. Vous aviez travaillé pour Élu Produit de l'année. Oui, qu'est-ce que ces expériences pour des chanteurs très populaires, très vendeurs, alors que les ventes n'ont jamais été énormes avec Tricatel? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces expériences ? Ce sont des expériences qui m'ont enchanté, parce que j'ai beaucoup appris de ces chanteurs, parce que je trouve que les chanteurs populaires, il y a une forme d'engagement, de présence face au public, que j'admire, que j'ai pas forcément, je suis plus réservé. Et quelqu'un comme Marc Lavoine, par exemple, c'est quelqu'un à qui on peut donner une chanson, une musique, et il va respecter la mélodie, mais d'une façon qui est admirable. Et j'ai trouvé le grand public, moi, que je connais mal au sens, j'en fais partie aussi, mais en tant que musicien, j'y ai assez peu accès. Je trouve qu'il y a une spontanéité, il y a une absence de pause, qui est très rafraîchissant quand on évolue dans des milieux qui sont censés être plus avertis, et où je trouve que l'apport de pause, de conformisme est beaucoup plus présent. En 2005, après votre deuxième album solo, Bertrand Burgala, l'album s'appelait Portrait Robot. On vous voyait d'ailleurs. Dans un authentique portrait robot de la police judiciaire, de l'identité judiciaire. Oui. Après la sortie de ce disque-là, la sortie ne se passe peut-être pas comme vous l'aviez espéré. Vous avez hésité à jeter l'éponge, j'ai pu lire. Oui. Vous ne vouliez plus chanter ou bien vous pensiez carrément arrêter la production et le label, hein ? Non, je pensais vraiment arrêter parce que je voyais plus trop comment faire. Je trouvais que c'était trop compliqué. On fait de la musique pour être heureux quand même d'abord, et ça commençait vraiment à me rendre très malheureux. J'avais vraiment l'impression que toutes ces tentatives étaient infructueuses, à la fois l'absence de succès matériel qui est pesante, parce qu'elle est pesante pour moi, mais elle est pesante aussi pour toutes les personnes qui travaillent avec moi, le fait de pouvoir difficilement payer, je trouve, les musiciens aussi bien qu'ils le méritent, c'est quand même, pour moi, c'est très important, et en même temps de pas avoir donc le succès commercial, mais de pas avoir non plus la consolation du succès critique parfois, ça rendait les choses très très compliquées. Mais la critique vous a bien accompagné quand même. Mais ça dépend des moments. Et attention, c'est là où je suis pas du tout, je veux pas faire du tout le grincheux, mais je trouve que les 10 dernières années, j'ai l'impression quand même que les choses sont beaucoup mieux comprises qu'elles ont pu l'être à un certain moment. Et ce qui m'a empêché d'arrêter, d'une certaine façon, c'est que j'avais pas trop d'alternatives, c'est-à-dire que je sais pas faire grand-chose d'autre. Mes derniers emplois salariés remontent à 1988. C'est quand vous écriviez le discours. Au Conseil général de l'Essonne, oui, voilà. J'étais chargé de mission au Conseil général de l'Essonne. On m'a plus trop appelé pour ces choses-là. Et j'avais pas très, pour tout vous dire, j'avais pas très envie de revenir dans le monde des collectivités locales. Mais je trouve que aujourd'hui encore, en fait, quand j'ai créé ce label, je m'attendais pas. Il y a eu beaucoup de choses très heureuses qui nous sont arrivées et qui étaient imprévues, et beaucoup de difficultés auxquelles je m'attendais pas non plus. Allez, dans les choses heureuses qui sont arrivées ces dernières années, il y a sans doute la rencontre avec de nouveaux musiciens qui appartiennent à une génération plus jeune que la vôtre. Je pense à Chassol, par exemple, mais aussi aux jeunes musiciens du groupe Catastrophe, que vous avez rencontré, je crois, en 2012. Qui ils sont et qu'est-ce qu'ils déclenchent chez vous? Il y a une jeune fille, Blandine Raquel, et puis Pierre Johan, qui, je crois, à l'époque, un ancien étudiant à Sciences Po, qui hésite entre plusieurs choses. Eh bien, c'est grâce à une émission de radio. D'abord, ils avaient fait une vidéo qui était assez géniale pour un site Brain, où elle, Blandine, dansait partout, dans tous les lieux de la vie courante, sur un morceau que je venais de sortir, qui s'appelait Bardos Dance. Et il m'avait invité à une émission qu'il faisait sur Radio Campus, et ça se passait à Radio Sciences Po. Et là, je rencontre des gens de 20 ans, brillants, drôles. Il y avait un cinéaste que je connaissais pas, Benoît Forgeard. Et cette soirée a été très importante pour moi, parce que j'ai rencontré Forgeard. Voilà. Pour les films. Et puis ces gamins, parce ils avaient à peine 20 ans, je les ai trouvés très intéressants, mais je savais pas du tout ce qu'ils feraient ensuite. Mais dès que j'ai eu l'occasion de les associer à d'autres choses, justement quand on a fait des émissions des programmes pour la télévision avec Benoît Forgeard, mais quand j'ai fait des émissions pour France Inter, quand on faisait des concerts, on essayait de les associer. Et en revanche, particulièrement chez quelqu'un comme Pierre Jouan, je sentais quelqu'un à la fois de très brillant, mais qui pouvait complètement se disperser, qui aurait pu faire un peu comme moi, arriver à 30 ans sans avoir fait grand-chose, en ayant un peu papillonné. Et finalement, non, ils ont réussi à accomplir des choses très rapidement, puisque Blandine Rinkel a sorti un premier roman chez Fayard l'an dernier. Ils viennent de sortir un essai collectif chez Pauvert. Et là, on sort leur album, et qui est effectivement, c'est pour moi, c'est très intéressant, parce que j'ai toujours aimé travailler avec des gens à la fois plus âgés que moi et plus jeunes. Ça a été le cas avec les Sheds auparavant, mais je trouve que on apprend des choses, et c'est très intéressant. On en restera là pour aujourd'hui. Merci. Merci Bertrand Burgala. À demain. Merci, à demain. À voix nue. Réalisation Thomas Beau. prise de son Sandrine Malon, coordination Claire Poinsignon. C'était Tricatel, ma boîte à musique, le troisième volet de La Voix Nue de Bertrand Burgala, au micro de Mathieu Conquet. Première diffusion le 14 février 2018 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.